Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Faire faillite une fois pour une banque, déjà c'est bien, mais faire faillite deux fois, eh bien c'est le privilège de Dexia, banque franco-belge. Et oui, elle a eu le délicat privilège de faire faillite en 2008 et en 2011. À ce titre, elle mérite une place de choix dans Super Fail. Nous avons financé le campus universitaire. Nous avons financé le stade du campus universitaire. Nous avons financé l'autobus qui mène au stade du campus universitaire. Nous avons financé la route de l'autobus qui mène au stade du campus universitaire. Nous avons financé les lampadaires qui éclairent la route de l'autobus qui mène au stade du campus universitaire. Nous avons financé les éoliennes qui alimentent les lampadaires qui éclairent la route de l'autobus qui mène au stade du campus universitaire. Et nous serons là pour les projets de votre enfant. Parce que, au fond, c'est pour lui que nous avons financé les éoliennes qui alimentent les lampadaires qui éclairent la route de l'autobus. Banquier des villes, banquier des gens. Dexia. Alors donc ça c'est une publicité pour Dexia, Christophe Nijdam, une publicité pour Dexia qui est en partie mensongère puisque évidemment le back-office, comme on dit dans le jargon, était moins glorieux. Vous êtes professeur de finance, vous avez enseigné la finance à Sciences Po pendant de longues années, vous êtes membre du Collège de l'Autorité Bancaire Européenne et également de finance pour tous. Vous avez été précédemment banquier aux États-Unis dans les années 80, analyste dans le secteur bancaire pendant la période des subprimes. Bref, vous êtes la personne rêvée pour nous raconter comment une banque peut faire faillite deux fois. Et tout d'abord, peut-être présenter quel était le rôle de Dexia, même si on l'a un peu entendu dans la publicité qui vient d'être diffusée. Si on fait un petit point historique, Dexia, c'était à la base un département de la Caisse des dépôts. Ça s'appelait la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. Ça a été privatisé sous le nom de Crédit Local de France au milieu des années 10, et à ce moment-là, ça a été introduit en bourse. Au lieu d'en rester là, il y a eu au niveau, disons, des dirigeants de Dexia, une sorte de folie des grandeurs. Et du coup, toute une série de rachats de banques ont été faites, notamment le Crédit Communal de Belgique. Ça allait puisque c'était dans des activités assez similaires à celles de Dexia. Mais ensuite, Dexia est allé se fourvoyer aux États-Unis en rachetant en l'an 2000 une société qui s'appelait FSA, qui faisait en fait de l'assurance dans le secteur des subprimes. Alors vous allez nous raconter cette histoire-là, mais tout d'abord, il faut dire que Dexia, donc outre le fait d'avoir fait faillite deux fois, ce qui est déjà pas mal, nous a coûté beaucoup d'argent, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps à nous, Européens. Expliquez-nous, Christophe Nijdam. Oui, lorsque Dexia a fait faillite à deux reprises, je souhaite là quand même préciser qu'on est champion du monde, deux étoiles, une banque qui fait faillite deux fois en 3 ans et non pas, disons, en 20 ans, c'est un record mondial. C'est bien. C'est tout à fait un record mondial. Alors, on s'en félicite, Super Fail. Bon, qu'est-ce que ça a coûté ? Ça a coûté jusqu'à présent près de 7 milliards d'euros en recapitalisation à l'État français. En plus de cela, ça a coûté, façon de parler, des garanties qui avaient été émises d'abord en 2008 lors de la première crise de trésorerie et quasi-faillite, qui était de 150 milliards d'euros, ces garanties, qui étaient partagées à 50-50 par l'État belge, l'autre actionnaire. Et ensuite, en 2011, lorsqu'il y a eu la deuxième quasi-faillite, toujours sur la même cause, une crise de trésorerie, nouvelle injection de capital de près de 6 milliards d'euros et des nouvelles garanties de l'ordre de 85 milliards partagées à nouveau à part égale entre la France et la Belgique. Et ces garanties courent jusqu'à la Saint-Glinglin. Donc c'est véritablement catastrophique. Alors vous dites Saint-Glinglin et c'est ça qui est super sympa dans l'histoire de Dexia, c'est qu'en fait, elle n'est pas terminée aujourd'hui. Non, elle n'est pas terminée aujourd'hui. Après la deuxième quasi-faillite en 2011, il a été décidé de la mettre en liquidation ordonnée. Pourquoi est-ce que ça va durer jusqu'à la Saint-Glinglin? Ben parce que dans le modèle économique de cette banque, dans les nombreuses erreurs, disons, de management qui ont été faites, il y a eu une utilisation excessive de produits dérivés. Je veux pas être très technique, mais si Vous allez l'être un peu quand même. Bon, les produits dérivés de taux, en l'occurrence, c'est une sorte d'assurance sur les taux d'intérêt qui permettait, alors que Dexia se finançait, disons, à très court terme avec des taux variables et reprêtait à des collectivités locales sur des durées très longues, plus de 30 ans à taux fixe, pour couvrir ce risque de taux, on utilise des produits dérivés. Sauf que, dans le cas de Dexia, si on avait dû liquider en une seule fois, si vous voulez, Dexia en 2011 ou en 2012, plutôt que de le garder en, disons, en résolution lente, ça aurait engendré 23 milliards d'euros instantanément sur le portefeuille de dérivés qui était en montant notionnel de 450 milliards. Donc c'est pour cela qu'on a décidé à l'époque de ne pas liquider immédiatement et d'avoir une liquidation ordonnée jusqu'à la Saint-Glinglin. Il faut nous expliquer, Christophe Nijdam, comment on en arrive là et tout d'abord comment Dexia aboutit à faire faillite, quasi faillite puisque la banque a été recapitalisée. Comment Dexia a réussi à faire faillite tout d'abord en 2008, donc c'était il y a 10 ans, on se souvient que c'est arrivé en pleine crise des subprimes. Oui, ben, au moment, disons, de la crise des subprimes qui est devenue systémique lors de la faillite de Lehman le 15 septembre 2008, les banques ne se faisaient plus confiance entre elles. Et donc, ce qu'on appelle le marché interbancaire, les banques qui prêtent aux banques, du coup, a été complètement gelé. Et dans, disons, les faiblesses structurelles de Dexia, c'était justement d'avoir un recours très important au marché interbancaire et d'autres financements à très court terme pour financer un portefeuille de prêts à très long terme. Il faut quand même garder en tête que en 2008, 36% du bilan de Dexia, qui faisait 650 milliards d'euros, étaient des financements à très court terme. Quand, avec la faillite de Lehman, les banques ne se sont plus prêtées, évidemment, Dexia s'est retrouvée dans une impasse de trésorerie, puisque plus de 200 milliards d'euros avaient une échéance très courte qu'elle ne pouvait pas refinancer sur les marchés. D'où l'intervention des États et les fameuses garanties que j'ai mentionnées en 2008, qui étaient de 150 milliards, en plus de la recapitalisation. Mais alors, écoutez, c'est plutôt normal quand même pour une banque d'avoir appel au marché interbancaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, ces braves gens ? Ce qu'ils ont fait de mal, ces braves gens, c'est qu'ils ont trop transformé. C'est-à-dire, ils ont trop utilisé le marché interbancaire au lieu d'étaler les financements ou les refinancements au passif sur une durée plus longue. C'est pour cela d'ailleurs qu'à la suite de cette crise, dans les nombreuses régulations qui ont été mises en place, on a enfin imposer des ratios de liquidité justement pour éviter une mésaventure, entre guillemets, comme Dexia. La question qu'on se pose finalement, Christophe Nijdam, consiste à savoir si chez ces dirigeants, il y a eu de l'incompétence, s'ils ont été surpris par la situation, puisque finalement, on peut faire faillite en étant à la fois, hélas, compétent et honnête. Oui, alors faire faillite dans le cas d'espèce, moi j'attribue cette faillite, à quatre niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau d'éthique, je reviendrai là-dessus. Le deuxième niveau, en termes, disons, de faillite, ça a été une faillite de la gouvernance de Dexia et de sa supervision par les autorités. La troisième faillite, ça a été la stratégie qui avait été mise en œuvre par Dexia et son business model, son modèle économique. Et enfin, la quatrième faillite, en tout cas intellectuelle, c'est la responsabilité personnelle des dirigeants, ou en fait, il vaudrait mieux parler d'irresponsabilité de ces dirigeants. Alors, si vous me laissez éventuellement développer, quand je dis une faillite au niveau de l'éthique, je vais vous prendre un exemple concret et vécu. Dans ma vie antérieure, lorsque j'étais banquier, au début des années 80, j'ai démarré avec d'autres personnes une activité de produits dérivés que j'ai évoquée tout à l'heure dans une banque française. Et à ce moment-là, nous avions comme client la CAECL, donc le prédécesseur de Dexia. Et nous nous interdisions, là on parle d'éthique, de proposer à Dexia ces produits dérivés. Pourquoi ? Parce que l'éthique voulait qu'on ne propose pas des produits complexes à des clients qui ne les comprennent pas. Bon. Et qui sont pas toujours donc dans l'intérêt du client. Qu'est-ce que c'est un produit complexe ? Un produit complexe, c'est un produit qui n'est pas compris par le client en termes de conséquences potentielles. Mais ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire quoi ? C'est justement... Donnez-nous des exemples. Oui, mais c'est ce qui s'est passé avec Dexia 20 ans plus tard, en sens que à l'époque, et je vais vous expliquer et vous répondre. À l'époque, nous, on s'interdisait de proposer ça à Dexia. 20 ans plus tard, Dexia l'a proposé à ses clients. Bon. Et c'est les fameux prêts toxiques. Alors, ces prêts toxiques, ce sont des prêts, on va dire, traditionnels, sauf que ils sont combinés avec des produits complexes. Dans le cas d'espèce, c'était en sous-jacent du prêt des options de change, notamment sur le franc suisse, dont le risque de change était pris par les clients de Dexia, des collectivités locales et aussi des hôpitaux. C'est-à-dire que si je poursuis dans ce que vous venez de dire, Christophe Nijdam, en fait, ce sont des prêts qui étaient conclus avec une petite clause que les clients ne voyaient pas nécessairement, selon laquelle la somme que ces clients allaient devoir rembourser était indexée sur le franc suisse, avec donc des effets de levier importants, des effets de levier, c'est-à-dire que ça peut être pire encore que la situation normale, donc... Les individus concluaient des prêts en étant parfaitement tranquilles et ils se retrouvaient à devoir rembourser des sommes faramineuses. Exactement. Et lorsque l'on a donc cette faute éthique, on se dit quoi ? On se dit que on va escroquer des individus, on se dit qu'ils ont compris que ces produits étaient des produits dangereux, puisqu'en fait, c'est ça que l'on retient aujourd'hui. Oui, alors l'escroquerie, je ne sais pas, mais en tout cas, l'argent rend fou et il se trouve que grâce à ces produits complexes, les fameux prêts toxiques, ça permettait à l'équipe de Dexia, que ce soit les banquiers de terrain ou que ce soit les dirigeants, d'encaisser des profits plus importants et donc des rémunérations plus importantes sous forme de bonus. Alors qu'une prise de risque avait été transférée sur des clients qui ne la comprenaient pas toujours ou en tout cas qui n'avaient pas été correctement informés des risques pris. Lorsque vous avez évoqué la seconde cause, Christophe Nijdam, il faut développer maintenant. Oui, alors la seconde cause, c'est une faillite au niveau de la gouvernance et de la supervision des autorités. Alors, au niveau de la gouvernance, on s'est retrouvé avec, disons, un dirigeant de Dexia, Monsieur Pierre Richard, qui a eu un petit peu la même folie des grandeurs que précédemment dans l'affaire du Crédit Lyonnais, Jean-Yves Abrère. Et là où il y a une faillite de la gouvernance, c'est que normalement un conseil d'administration, c'est la tour de contrôle d'une banque. C'est là où la stratégie et les prises de risque, en tout cas en termes de stratégie, doivent être analysées. Personne, disons dans le cas de Dexia, n'a su remettre en cause la stratégie suivie par Pierre Richard, les modalités de financement qu'on a évoquées qui ont créé ces deux quasi-faillites, et cette politique commerciale vivement contestable en termes de l'éthique, comme je parlais précédemment, qui était les prêts toxiques. Et il faut garder en tête qu'il y avait au conseil d'administration de Dexia pendant toutes ces années, les représentants de l'État français, puisque l'État français, avant la nationalisation complète, a été un des actionnaires historiques. Mais alors très bien, pourquoi n'ont-ils rien fait ? Alors, ça fait partie des raisons, disons, analysées post-crise par les régulateurs, notamment l'autorité bancaire européenne, qui a publié des recommandations. Dans ces recommandations en matière de gouvernance, l'analyse avait été, c'est que souvent les administrateurs n'étaient pas compétents. Donc là, on va demander à l'avenir des compétences professionnelles réelles. Deuxième point analysé par les régulateurs, c'était de dire finalement dans ces administrateurs, il y avait un manque d'indépendance d'esprit. Donc, on n'osait pas remettre en cause le patron de la banque. Et la troisième chose aussi, souvent, c'est que certains de ces administrateurs ne travaillaient pas assez. c'était un peu des chambres d'enregistrement, d'accord, alors qu'il faut quand même bosser ces dossiers. Continuons à évoquer les causes donc de cette faillite de Dexia, Christophe Nijdam. Alors, au niveau de la supervision, il faut bien savoir que les deux quasi-faillites sont passées au travers de la supervision, en ce sens que vous vous souviendrez, en tout cas après la première faillite de 2008, on a mis en place au niveau européen des stress tests. Bon, les stress tests sont là, normalement, pour s'assurer qu'une banque ne puisse pas faire faillite, ou en tout cas qu'on puisse en amont identifier les problèmes. Le problème de ces stress tests, en termes de supervision, c'est qu'on testait la solvabilité, suffisamment ou pas suffisamment de fonds propres. Est-ce que vous avez suffisamment d'argent pour faire face à un choc? En revanche, on n'a jamais testé la liquidité. Or, Dexia, comme n'importe quelle entreprise, a sauté sur des crises de trésorerie. Alors attendez, parce que là, on vous suit mal. Donc, oui. La première crise, on comprend bien, c'est une banque dont l'activité consiste à emprunter. La crise arrive, les banques gèlent leurs prêts parce qu'elles se disent qu'elles vont se retrouver face à des copains banques qui ne pourront pas rembourser. Elles ne veulent pas courir ce risque, elles arrêtent de prêter. Du coup, Dexia fait faillite ou est au bord de l'abîme, du coup on est obligé de refinancer pour que Dexia ne puisse pas faire faillite. À la suite de cette crise, il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont prises, et donc on nous dit ça ne peut pas se reproduire. Pourquoi Dexia est 3 ans plus tard face à une crise de liquidité? Parce que son modèle économique au départ, les 36% du bilan à très court terme au passif que j'ai évoqué, en 2011, ils n'étaient pas passés à 10%. Donc il y avait encore là-dessus une très grande vulnérabilité au niveau de la trésorerie. Vous vous souviendrez que pendant l'été 2011, les banques européennes et notamment les françaises ont été vivement chahutées sur les marchés boursiers. C'est ce qu'on a appelé la crise de liquidité dollar. À cause de la crise... En quoi consiste-t-elle? La crise de liquidité dollar, ça veut dire que les banques françaises, d'autres européennes, mais surtout les françaises, avaient des activités financées en dollars, mais mal financées, et qui dépendaient donc de SICAV monétaires américaines. À l'été 2011, lorsque les Américains ont eu peur, après la crise grecque, qu'éventuellement l'Italie, et une crise également financière, les gérants de SICAV monétaires américaines n'ont plus voulu renouveler leurs encours en dollars aux banques européennes et notamment les françaises. En fait, le problème, c'est toujours le même pour ce que vous venez de souligner, Christophe Nijdam. De la même façon que les prêts toxiques étaient gagés sur le taux du franc suisse, sur le cours du franc suisse, là, c'est un problème avec le cours du dollar. Alors, pas avec le cours du dollar, mais c'est des actifs en dollars financés à trop court terme en dollars. C'est toujours le problème de cette transformation. Donc, quatrième cause que vous évoquez à la faillite de Dexia. Alors, la quatrième cause, c'était en fait la question des responsabilités personnel. On a évoqué certains chiffres concernant Dexia. C'est pas une petite faillite, c'est quand même un gros problème et qui va rester là pendant encore de très nombreuses années. Il n'y a pas eu de mise en cause des responsabilités personnelles des dirigeants, ni au titre de la première faillite, ni au titre de la deuxième faillite. Parce qu'évidemment, après 2008, l'équipe qui était en place, Pierre Richard dont j'ai parlé, et Axel Miller pour le côté belge, à ce moment-là, ont été mises à l'écart et ont été remplacées. Comment est-ce que je peux dire qu'il n'y a pas eu de sanctions réelles personnelles? Pierre Richard est quand même parti à la retraite avec une retraite chapeau de 300 000 euros. Axel Miller, lui, est parti avec un parachute doré de 825 000 euros. Ça, c'est pour la première faillite. La deuxième, en 2011, c'est Pierre Mariani, à ce moment-là, qui était, disons, aux manettes, Et Pierre Mariani, lorsque on lui a demandé également de partir pour mettre en liquidation ordonnée après la deuxième faillite, dans un premier temps, on avait parlé d'un parachute doré. Il y a eu beaucoup d'émoi. Et heureusement, notamment dans le monde politique belge, parce que c'est quand même le côté français qui a planté Dexia, c'est pas le Crédit Communal de Belgique qui était la partie belge et qui existe toujours sous le nom de Belfius. Donc il y a eu beaucoup d'émoi et les, disons, les députés belges ont dit hors de question que M. Mariani parte avec un chèque. Donc il n'y a pas eu de parachute doré traditionnel. En revanche, Pierre Mariani a continué à émarger dans la liste des salariés de certaines filiales pendant 18 mois pour des salaires qui ont totalisé 1,3 million d'euros, ce qui n'est pas rien. Résultat des courses, on en est où aujourd'hui? Donc vous avez expliqué que la liquidation programmée de Dexia allait durer jusqu'à la Saint-Glinglin. Est-ce qu'une telle affaire pourrait se reproduire? Et ça, je sais que c'est une question toujours embêtante, Christophe Nijdam, puisque généralement la crise d'après, elle ressemble rarement à la crise d'avant. Alors, est-ce qu'on peut avoir une nouvelle crise? La réponse est clairement oui. Est-ce qu'elle sera à l'identique de la précédente? Probablement pas. Probablement pas, en tout cas, à la Dexia, si je peux me permettre de parler comme cela. En ce sens qu'effectivement, dans le cadre de cette crise, les régulations qui ont suivi, on a fait beaucoup d'efforts en matière de liquidité, de ratio réglementaire à suivre, pour éviter les crises de trésorerie successives que Dexia a eues. Cela dit, il y a quand même, dans d'autres domaines, beaucoup de trous encore dans la régulation. C'est-à-dire, on a toujours... Comme ça, ça nous permet de penser à la programmation future. On n'a toujours pas touché à la structure des banques. Alors la structure des banques, c'est le fait d'avoir sous le même toit des activités qui peuvent s'entrechoquer les unes et les autres. C'est le fait d'avoir des activités de marché au sein d'une banque dite de détail. Le problème de cette structure, c'est qu'on a donc des établissements qui sont des mastodontes. C'est ce qu'on appelle les banques trop grosses pour faire faillite, les too big to fail. Il y en a 30 au niveau mondial et dans ce cas-là, dans la liste des 30, il y en a 3 françaises. Alors une banque trop grosse pour faire faillite, si on voit, l'essentiel, si on va à l'essentiel, c'est une banque qui tient en otage son gouvernement, puisqu'on ne peut pas la laisser tomber. Et oui, parce que, au fait, pourquoi n'a-t-on pas tout simplement décidé de laisser Dexia faire faillite, comme les Américains l'ont fait avec Lehman Brothers? Parce qu'elle était systémique, et parce que... Nous, en particulier, on n'avait pas d'argent dans Dexia. Non, mais via ce fameux marché interbancaire, via ces fameux produits dérivés dont j'ai parlé, vous aviez une interconnexion avec beaucoup d'autres établissements bancaires. C'est-à-dire concrètement, imaginons, par exemple, faisons de l'histoire contrefactuelle, Dexia fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'est-ce qui se passe? D'autres banques sautent. Lesquelles? Alors ça, je n'ai pas en tête la liste des banques de l'époque, les contreparties des produits dérivés. C'est-à-dire en fait toutes les banques à qui Dexia doit de l'argent. Doit de l'argent, ça c'est pour le marché interbancaire, et toutes les contreparties dans ces produits dérivés qui sont un peu complexes, si Dexia fait faillite, ça crée un déséquilibre dans l'autre banque, dans la contrepartie. Mais je pourrais vous dire que 12 milliards, puisqu'en fait, au global, cette histoire nous a coûté à peu près 12 milliards. Non, alors pour la France, c'est 7 milliards, oui, et c'est à peu près la même chose pour nos amis belges. Voilà, donc c'est pour ça que je faisais un global. Bon, excusez-moi, donc c'est plutôt 14 milliards plutôt que 12 milliards. 14 milliards, c'est beaucoup pour nous, contribuables. C'est peu, finalement, pour le système financier international. Est-ce que finalement, comme Dexia devait de l'argent à beaucoup de banques, est-ce que finalement, ça n'aurait pas été absorbé dans les trésoreries de chacune de ces banques? Puisque, par exemple, la Société Générale, par sa propre incurie, a perdu 4,7 milliards avec l'affaire Kerviel, si ma mémoire est bonne. Oui. Le bilan de Dexia, c'était 650 milliards. Donc, si vous voulez, les pertes que cela pouvait engendrer au niveau des contreparties, c'est pas 14 milliards, ça aurait été beaucoup plus important. Souvenez-vous justement de la faillite de Lehman, qui a déclenché une crise systémique. Faillite de Lehman, c'était combien de milliards? Alors, c'était en dollars. Le bilan de Lehman, c'était à un peu plus de 600 milliards de dollars. Donc, plus petit, pas beaucoup, mais que Dexia. Et c'est pas grand-chose. Enfin, c'est beaucoup d'argent pour un particulier, 600 milliards, mais 600 milliards pour une banque, c'est pas grand-chose. Ben, c'était déjà beaucoup. On a vu le résultat, oui. Pour Lehman. Et Dexia, à l'époque, faisait partie de cette liste des banques systémiques, les 30 au niveau mondial que j'ai mentionné tout à l'heure. Et alors justement, Christophe Nijdam, vous avez dit « too big to fail », donc trop gros pour qu'on laisse tomber la banque en question. À partir de quelle somme on est « too big to fail » ? Alors, quand on regarde la liste des 30 banques au niveau mondial, je crois que le plus petit bilan dans le cas d'espèce doit être aux alentours de 500 milliards. Dexia, quand on les a mis en liquidation ordonnée après 2011, on les a sortis de cette liste des 30, alors qu'en fait, ça aurait dû y rester. D'autant plus que c'est la plus grosse liquidation ordonnée au monde à ce jour. Dernière question, Christophe Nijdam. Aujourd'hui, on dit par exemple qu'une crise pourrait provenir de ce qu'on appelle le shadow banking. Qu'est-ce que le shadow banking et en quoi celui-ci pourrait représenter aujourd'hui un risque ? Alors le shadow banking qu'on appelle, disons, la finance de l'ombre, ce qui lui donne un petit côté force du mal. C'est un peu dark web. Dark web ou Darth Vader dans la guerre des étoiles. En fait, ce qu'il faut quand même comprendre sur cette finance de l'ombre, c'est si on veut commencer à régler le problème, il y a un très bon début, c'est de couper le cordon ombilical entre cette finance de l'ombre et les banques. Mais c'est quoi la finance de l'ombre ? Alors la finance de l'ombre, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ce sont des entités qui peuvent être régulées et d'autres qui ne le sont pas. Dans cette finance de l'ombre, qui est de l'ordre en termes d'encours dans sa définition large, il est difficile de connaître le périmètre exact. Bah oui, c'est de l'ordre de 93 000 milliards de dollars au niveau mondial. Vous avez là-dedans, entre autres, les SICAV monétaires que j'ai évoquées tout à l'heure, ce qu'on appelle les Money Market Funds aux États-Unis ou une SICAV monétaire en France. C'est quoi une SICAV monétaire ? Une SICAV monétaire, c'est une SICAV, un fonds commun de placement géré par la banque pour vous et dans lequel les épargnants, disons, mettent leur argent qui est ensuite placé sur le marché monétaire, le marché interbancaire, et ça permet d'avoir une épargne rémunérée normalement à faible risque. Mais alors ça, c'est pas de l'ombre, une SICAV monétaire. Non, je peux en avoir chez le marchand au coin de la rue dans ma banque. Tout à fait. Mais le terme de shadow banking a été un petit peu mis en avant par le secteur bancaire, justement, pour essayer de diaboliser, une fois de plus, d'enfumer. Vous savez, quand vous êtes sous les projecteurs, vous essayez que, disons, l'information passe à côté, donc il faut donner quelque chose d'assez sexy aux médias pour détourner l'attention. Mais donc, dans cette finance de l'ombre, donc vous avez les SICAV monétaires qui sont régulés, vous avez les compagnies d'assurance qui sont également régulées, mais vous avez des choses un peu moins glorieuses, vous avez les hedge funds, ce qu'on appelle les fonds spéculatifs, vous avez, et alors là on ne parle plus d'entités personnes morales, mais d'outils, le marché des ventes à rémunérés, ce sont les repos, c'est peut-être un peu compliqué pour les auditeurs, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Le point que je veux faire, c'est qu'en fait, et vous avez évidemment, toute la titrisation. Et la titrisation avait une catégorie qui s'appelait les subprimes et qui a été le déclencheur de la crise systémique, faillite de Lehman, etc. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est quand vous regardez ces différents pans, qui génère cette finance de l'ombre ? Ce sont les banques. Les banques gèrent les SICAV monétaires. Les banques, notamment les françaises, au travers de leur modèle fourre-tout de banque universelle, ont de très grosses filiales d'assurance. Par exemple, le Crédit Agricole a une énorme activité d'assurance. La titrisation, c'est quoi ? Bah, ce sont des prêts bancaires qui sont packagés et mis sur le marché. Les hedge funds se financent avec des prêts sécurisés auprès des banques. Donc, il y a un cordon ombilical très puissant entre cette finance de l'ombre et les banques. Si on veut commencer à s'attaquer au problème, il suffit de couper le cordon. Mais il y a quand même un certain nombre de ces activités qui sont des activités très régulières. Alors, vous l'avez dit pour les SICAV monétaires, les assurances aussi sont des entités qui aujourd'hui sont extrêmement contrôlées. On voit mal pourquoi une assurance ferait faillite en France. Alors, est-ce qu'une compagnie d'assurance peut faire faillite ? Si, elle peut. Non, mais elle peut tout à fait. Si, disons, elle a des activités d'assurance qui sont mal comprises. N'oublions pas que dans le cadre de la crise des subprimes, c'était un assureur américain qui s'appelait AIG, qui était le plus gros assureur américain, mais qui s'était fourvoyé dans l'assurance de crédit des subprimes. Et qui a donc sauté au même moment que Lehman et qui a dû être enfloué à hauteur de 180 milliards de dollars par l'État américain, parce que là aussi, AIG était systémique. Merci beaucoup, Christophe Nijdam. Je rappelle le livre que vous avez publié avec Gézabel Coupé-Soubéran, Parlons banque en 30 questions. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Audrey Guélil à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.